Tu ranges les assiettes dans quel placard? Quel est le placard dans lequel tu ranges les assiettes? Tu fais la vaisselle avec quel produit? Quel est le produit avec lequel tu fais la vaisselle? Tu jettes les journaux dans quelle poubelle? Quelle est la poubelle dans laquelle tu jettes les journaux? Tu essuies la vaisselle avec quel torchon? Quel est le torchon avec lequel tu essuies la vaisselle? Tu mets les verres sur quelle étagère? Quelle est l'étagère sur laquelle tu mets les verres? Exercice 4. Transformer. J'habite en face d'une maison qui est abandonnée. La maison. La maison en face de laquelle j'habite est abandonnée. 1. J'habite au-dessus d'un restaurant qui est très connu. Le restaurant. Le restaurant au-dessus duquel j'habite est très connu. 2. Je travaille à côté d'un immeuble qui est en travaux. L'immeuble. L'immeuble à côté duquel je travaille est en travaux. 3. Je lis au milieu d'un jardin qui est en fleurs. Le jardin. Le jardin au milieu duquel je lis est en fleurs. 4. Je travaille près d'un radiateur qui est très bruyant. Le radiateur. Le radiateur près duquel je travaille est très bruyant.